بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أعتذر عن غيابتي أمس في الدرس المعلن، فإني قد نسيت تماما، مالي أي عذر. Je m'excuse par rapport aux auditeurs, par rapport au DERS de hier soir qui était prévu sur le DERS en question. Et j'avais annoncé le DERS pour les 20h et wallahi, j'ai complètement oublié. C'est Adjib. Adil Bilal, la tu'in à la tazakkur. Belle tu'in à l'anicienne. Le genre de lieu qui ne vraiment n'aide pas à se rappeler. Mais bien au contraire, ils font tout pour qu'on oublie. Je m'en suis rappelé, il était déjà 22h. Je me suis dit, ça sert à rien de faire la DERS à 22h. Les gens sont occupés ou ils dorment. Mais vraiment, je m'excuse. À la base, c'était prévu que le DERS soit donné, dispensé, mais complètement oublié. Subhanallah. Khaya, inshallah. Al-yom, sanouasil fi kiraat adat kitab. Bahjat kuloub al-abrar wa kurrat uyoun al-akhiyar. Fi sharh jawamih. الأخبار للشيخ السعدي رحمه الله تعالى. يقول في الحديث 24 24 حديث، يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات خمس، الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. للنبي عليه الصلاة والسلام il a dit que les 5 salawat quotidiennes, c'est ce que l'on trouve de Jumu'ah à Jumu'ah, ainsi que le mois de Ramadan vers un autre Ramadan, c'est-à-dire la période qui est entre les deux mois, c'est-à-dire l'année qui est entre chaque Ramadan, expie les petits péchés tant que les gros sont évités. Donc les 5 salawat expient les péchés. Tout ce qui se passe d'un Jumu'ah à un autre Jumu'ah, cette période-là, expie les péchés. Et ce qu'il y a entre deux Ramadan, expie les péchés. Et bien sûr, pour ceux qui agissent, Taban, quand on dit les 5 salawat, c'est ceux qui font les 5 salawat. Quand on dit le Jumu'ah à la Jumu'ah, c'est ceux qui assistent au Jumu'ah, pour les hommes, pour ceux pour qui c'est obligatoire. Et de Ramadan à Ramadan, pour ceux qui jeûnent, bien sûr. Donc tout cela expie les fautes. D'accord ? Tant que les grands péchés sont évités. Donc ça c'est un short. يقولوا هذا الحديث يدل على عظيم فضل الله وكرمه بتفضيله هذه العبادات الثلاث العظيمة وأن لها عند الله المنزلة العالية وثمراتها لا تعد ولا تحصى. Donc ce hadith indique la grandeur de la grâce d'Allah عز وجل. Et également la préférence qu'il a accordée à ces trois adorations. Car elles ont un très haut rang auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et leurs fruits sont indénombrables. Leurs avantages sont indénombrables. فَمِنْ ثَمَرَاتِهَا أَنَّ اللَّهَ جَعَلَهَا مُكَمِّرَةً لِلدِّينِ الْعَبْدِ وَإِسْلَامِهِ. Donc parmi les fruits justement de ces adorations, qu'Allah azza wa jal les a rendus comme étant une façon de compléter la religion du serviteur ainsi que son islam. وَأَنَّهَا مُنَمِّيَّةٌ لِلْإِيمَانِ وَمُسْقِيَّةٌ لِشَجَرَتِهِ. Et que ces adorations sont justement une source de ravitaillement pour la foi et comme une forme de, je ne sais pas comment traduire, comme ce que lorsqu'on arrose les plantes, pour les faire pousser. Et là, il parle de l'arbre de la foi. C'est-à-dire que ces adorations viennent à abreuver justement cet iman pour le faire grandir. فَإِنَّ اللَّهَ عَرَّسَ شَجَرَةَ الْإِيمَانِ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ بِحَسَبْ إِيمَانِهِمْ وَقَدَّرَ مِنْ أَلْتَفَاهُ وَفَضَّلَهُ مِنَ الْوَاجِبَاتِ وَالسُّنَنِ مَا يَسْقِي هَذِهِ الشَّجَرَةِ وينميها Donc Allah Azzawajal, justement, a, comme on dirait, comme il dirait comme parabole, a planté l'arbre de la foi dans le cœur des croyants et chacun en mesure de sa foi. C'est-à-dire, plus la foi sera grande, et plus cet arbre sera grand. Et plus il aura de fruits. Et cela en accomplissant d'abord les obligations, également les actes surrogatoires, et ce qui s'ensuit. Plus il agira, et plus sa foi augmentera. Wa yadfa' anhu al-afat. Allah également repousse de lui tous les maux. C'est-à-dire ce qui pourrait le nuire dans sa religion. Hatta takmula wa tu'ta ukluha kull hin bi'izni rabbiha wa ja'alaha tanfi 'anha al-afat. Et ensuite, donc, justement, comme on l'a dit, il repousse du serviteur tout ce qui pourrait nuire à sa foi, c'est-à-dire cet arbre de la foi, qui finira par donner des fruits en toutes circonstances. يقول فالذنوب ضررها عظيم وتنقيصها للإيمان معلوم. Les péchés sont ont un préjudice qui est immense, qui est connu. Et ils amènent à réduire de la foi. Les péchés font baisser la foi. Comme vous savez, la foi, elle monte, elle descend. Elle monte. Bi at-ta'at wal-ibadat wal-ijtinab al-ma'asi wa tanqus bi tark hadhihi al-ashya wa irtikab al-ma'asi. Cette foi, elle monte en faisant des actes d'obéissance, des adorations, en évitant les péchés et les mauvais. Plus tu agiras, plus ta foi montera. Et également, elle peut diminuer, justement, quand ces choses sont délaissées, ou alors que des péchés sont commis. فَهَذِي الْفَرَائِدَ ثَلَاثِ إِذَا تُجُنِّبَ الْعَبْدُ أَوْ إِذَا تَجَنَّبَ الْعَبْدُ كَبَائِرَ الذُّنُوبِ غُفِرَتْ بِهَا الصَّغَائِرُ وَالْخَطِيئَاتِ وَهِيَ مِنْ أَعْظَمْ مَا يَدْخُولُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذِبْنَا السَّيِّئَاتِ. Donc ces trois obligations, qui sont les cinq salawat, et qui sont Hudur al-Jumu'a, et qui sont Siyam Ramadan, tant que le serviteur évite les grands péchés, elles sont une cause d'expiation de ses fautes, les petits péchés. Et cela, justement, rentre dans le verset, dans le sens où Allah dit que les bonnes actions font partir des mauvaises. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأدبي سيئات الحسنة تمحوها وخلق الناس بخلق حسن. Et qu'il a dit النبي صلى الله عليه وسلم craint Allah en toutes circonstances et fait suivre la mauvaise action par une bonne, elle effacera. Et comporte-toi bien avec les gens. Comme dans ce hadith, que la bonne action efface la mauvaise. Donc ces trois adorations-là effacent ce qu'il y a entre elles, comme petit péché. كما أن الله جعل من لطفه تجنب الكبائر سببا لتكفير الصغائر قال الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتهم وندخلكم مدخلا كريما. Et que Allah également, par sa douceur, a établi comme cause pour la personne qui aura évité les grands péchés, il en aura fait une cause d'expiation des fautes. Dans le sens où Allah dit: et si jamais vous évitez les grands péchés qui vous sont interdits, nous expierons, nous effacerons vos fautes et nous vous ferons entrer d'une entrée honorable, c'est-à-dire au Jannah. Donc, éviter les grands péchés en soi est déjà une cause de takfir des zunub. Yaqul amma al-kaba'ir fala budda laha min tawbah. Quant aux gros péchés, par contre, les grands péchés, ils ne sont effacés que par une tawbah, par le repentir. Contrairement aux petits qui peuvent être effacés selon le bon vouloir d'Allah Azzawajal et par des causes, comme celle citée dans ce hadith. وَعُلِمَ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ كُلَّ النَّصْ جَاءَ فِيهِ تَكْفِيرَ بَعْدَ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ لِلْسَيِّئَاتِ أَنَّ الْمُرَادُ الصَّغَائِرِ لِأَنَّ هَذِي الْعِبَادَاتِ الْكَبَائِرِ إِذَا كَانَتْ لَا تُكَفِّرْ بِهَا الْكَبَائِرِ فَكَيْفَ بِمَا دُونَهَا. Et donc ce hadith, ou plutôt il dit chaque texte lié à la révélation qui cite l'expiation d'une faute, en l'accomplissant, il dit que cela concerne les petits péchés. D'accord ? Mais ce qu'Allah fait nazar, il y a des grands péchés qui peuvent être effacés par certains actes. Ça existe également. Et là, on parle des grands péchés qui ne sont pas liés aux droits des autres. Ils ne sont pas liés aux droits des gens. Là, on parle des péchés qui sont liés au serviteur, ce qui est entre le serviteur et son seigneur. Donc, il y a des actes également qui peuvent effacer les grands péchés. Awalen, à l'islam. La conversion à l'islam est une chose qui efface les grands péchés passés. Également, al-hajj al-mabrour. Le hajj pieux et bien accompli. Il efface même les grands péchés. Wa al-hijra. La hijra efface les grands péchés également. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, alam ta'alam an al-islam tahdim ma qablaha ou ma qablahu. وان الحج المبرور يهدم ما قبله وان الهجره تهدم ما قبلها الى جاء الصحابي n'as-tu pas su que l'islam efface tout ce qui était fait auparavant et le hajj bien accompli efface tout ce qui était fait auparavant et la hijra efface tout ce qui était fait auparavant et ce hadith il est général ça comprend les petits comme les grands péchés fil haqiqa sans quoi ce hadith, sur ces trois adorations qui sont l'islam, qui est à la base obligatoire, et le hajj, qui est un pays de l'islam, et la hijra, qui est obligatoire pour celui qui vit en pays de kufr et ne peut accomplir sa religion. Quel aurait été l'intérêt de citer qu'ils effacent ses péchés, si cela considérait que les petits, alors qu'on a l'autre hadith qu'on prend aujourd'hui, là, qui lui-même cite les petits. Donc il n'y aurait pas eu de mérite. Donc c'est quoi le mérite de ces trois adorations de l'islam et du hajj et de l'hijra, c'est que cela comprend également les grands péchés. Wallahu ta'ala a'lam. Il y a des ulama, ils ne voient pas ça. Comme notre cheikh Abdel Hamid, lui, voit que ça ne concerne que les petits péchés. Mais le texte, lui, laisse apparaître que cela concerne les grands péchés également. Mais c'est une masala khilafiyya entre les ulama. Yaqul wal hadith sarih bin al-dhunub qisman, kaba'ir wa sagha'ir. Et ce hadith, ainsi que d'autres, sont clairs quant au fait de démontrer que les péchés sont de deux catégories, les grands et les petits. Les grands péchés et les petits péchés. قال فقد كثر كلام الناس في تعريف الفرق بين الصغائر والكبائر. Car les gens ont beaucoup parlé dans la définition qui vient pour différencier entre les petits et les grands péchés. واحسن ما قيل ان الكبيره ما رتب عليه حد في الدنيا او توعد عليه بالاخره. أو لعن صاحبه أو رتب عليه غضب ونحوه والصغائر ما عدا ذلك. Donc l'une des meilleures définitions qui a été faite, qui différencie entre les grands et les petits péchés, c'est que le grand péché est celui qui, sur lequel, qui est sous la menace d'une sentence en ce bas monde. Tout acte qui amène à une sentence en ce bas monde, c'est un grand péché. Ou alors qui amène à une menace d'un châtiment dans l'au-delà, ou alors qui cause la larna, la malédiction sur celui qui aura accompli, ou alors qui amène à une colère d'Allah Azzawajal, ou même un désaveu du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Tout cela, quand un hadith vient ou un verset vient ici de cela, c'est qu'on a affaire à un grand péché. Et il dit que les petits péchés, c'est ce qui est en dehors de cela, qui n'implique pas ce genre de jugement. أو يقال الكبائر ما كان تحريمه تحريم المقاصد والصغائر ما حرم تحريم الوسائل. Il dit également que les grands péchés, c'est ceux dont l'aboutissement, طيب, c'est l'aboutissement. Et les grands péchés, les petits péchés, c'est ce qui mène à cet aboutissement. Par exemple, il dit كنظرتي المحرمة مع الخلوة بالأجنبية والكبيرة نفس الزنا كالربا فضل مع ربا النسيئة ونحو ذلك والله أعلم. Il dit par exemple que regarder une femme étrangère ou s'isoler avec elle, cela rend dans les petits péchés. Car cet acte est un moyen qui mène au lui qui est le grand péché, qui est la fornication. Donc l'auteur juge comme cela, que le grand péché, c'est l'aboutissement. Et que le petit péché, c'est le moyen qui mène à cet aboutissement. D'accord ? Mais on peut trouver également des grands péchés. Par exemple, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a maudit 10 personnes. Dans l'alcool, celui qui le presse, celui qui le cultive d'abord, qui cultive dans le but de faire de l'alcool, celui qui le presse, celui qui le ramasse, celui qui le transporte, celui qui le vend, celui qui témoigne de cette vente, et ainsi de suite. Et pourtant, ces personnes-là n'ont pas bu l'alcool. Mais ce qu'ils font, c'est une voici, là, un moyen qui mène à boire de l'alcool. Donc, ce que l'auteur a cité là comme norme n'est pas dans l'absolu. C'est ce qui est le plus fréquent, mais ce n'est pas dans l'absolu. Car d'autres hadiths montrent qu'une malédiction est déjà venue sur des péchés qui, eux, sont un moyen qui mène vers ce qu'il y a de pire. Wa'akada. Et là, un tanbih qu'on fait souvent lorsque les gens demandent est-ce que cela est un grand péché ou un petit péché. Comme l'a dit Ibn Abbas, ne regarde pas la petitesse de ton péché, mais regarde la grandeur de celui à qui tu as désobéi. Et si jamais tu vois cela, tu ne chercheras pas trop à différencier. Quand tu as fait une faute, tu t'en repens. Quand tu en es conscient et que tu constates que tu as fait une faute. Faut pas se dire c'est un petit péché, c'est pas grave. Là, car un petit, après un petit, l'accumulation. Déjà, le fait de dire que l'accumulation de petits amène à des grands, ça c'est pas une preuve en soi. Quoi qu'il en soit, al-israr al-ma'siyah tadurru sahibaha. Le fait de persister sur des péchés qui soient grands ou petits, cela mènera à une nuisance sur la personne, dans sa foi, dans sa religion. Accumulation après accumulation après accumulation, sans tauba et sans prise de conscience et sans remise en question, cela n'est pas bon du tout. Et aussi une nasiha qu'on fait à nos frères, qui est par exemple dans les pays comme la France ici, on voit que nous sommes inévitablement confrontés à tomber dans les ma'asi. Quoi que l'on fasse, il y a des péchés, on est obligé d'y faire face. On s'en rend compte. Donc là, le conseil à faire aux frères et aux sœurs, c'est de prendre garde à ce qu'on appelle, c'est moi qui les appelle comme ça, mais bon, les péchés gratuits. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne te servent à rien et face auxquelles tu n'es pas contraint ni rien, tu t'y adonnes comme ça, pour rien. Wallah, il y a 10 moussibas. Des fois, tu es au travail, tu es contraint de faire des choses malgré toi, tu ne veux pas les faire. Tu es en famille, tu es confronté à des situations que tu ne veux pas vivre, et ainsi de suite. D'accord ? Donc ça, on demande à Allah Azza wa Jalla qu'il nous pardonne. Mais des fois, tu as des gens, dans la Oumma, ils n'ont rien devant eux qui les contraint à faire certains actes, ils tombent dedans, comme ça. Comme ça. Sans aucune raison. Dis, pourquoi tu fais ça, Harry ? Dis, je sais pas. Comme ça. Dis, subhanallah. C'est-à-dire que déjà, les péchés que l'on prend sur nous, malgré nous, ça ne nous suffit pas. Il faut qu'on rajoute une couche de faire des choses de nous-mêmes comme ça gratuitement, sans raison, et qui ne nous apporte aucune faïda. Voilà, des fois, il y a des gens qui font des péchés, il n'y a aucune faïda derrière. Ça ne leur apporte aucun khayl, ni une faïda dunyawiya, et bien sûr, c'est une madarra ukhrawiya. En ce moment, ça ne leur apporte rien du tout, même pas de l'argent, même ça ne leur apporte rien. Vraiment un péché gratuit. Ça n'apporte rien derrière. Aucun bénéfice, aucune faïda. Et bien sûr, cela nuit pour l'akhirah. Donc, faire attention à cela. Ittaqullaha. Faut prendre garde et craindre Allah Azza wa Jal dans ce genre de désobéissance qui n'apporte rien du tout. Voilà. Tayyib. Thumma nakhouz al-hadith al-khamis wal-ishrin. 25e hadith. Yaqulu al-Nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam an Malik ibn al-Huwayrith qal sallu kama ra'aytumuni usalli. وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, accomplissez la salat comme vous avez vu l'accomplir. Et lorsque le temps de la salat rentre, alors que l'un d'entre vous fasse l'adhan, et que préside la salat le plus grand d'entre vous, le plus âgé. Taïb. Donc déjà, sans ce hadith, on comprend, et il vient pour expliquer tous les versets où Allah Azza wa Jalla dit « Waqimu s-salah » et accomplissez la salat. Lorsqu'on voit ce genre de verset, les gens voient que Allah Azawajal leur ordonne d'accomplir la salat. Mais cette salat, comment est-ce qu'on la fait? Dans le Coran, c'est pas décrit, ce n'est pas expliqué. Donc ce genre de hadith vient pour t'expliquer comment faire la salat. La faire comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, lui-même. D'accord? Comme lui l'a fait. Il t'enseigne de le suivre lui. Ne fais pas la salat comme on t'a appris tes parents, tes grands-parents, ton oncle, ta tante, de faire comme eux. Ton exemple, c'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Vous aviez certes dans le messager un excellent modèle. C'est sa salat à lui qu'on doit faire. Parce que des fois, des gens, tu les corriges, tu leur dis, ça, c'est pas comme ça. Ils disent, oui, mais c'est comme ça qu'on m'a appris. Oui, mais ce qu'on t'a appris, c'est pas correct. Sallu kama ra'aytumuni usalli. C'est un ordre de faire la salat comme lui l'a faite. Donc toi, il faut que tu l'apprennes depuis sa source, depuis les hadiths. Et non pas comme on t'a appris. Maintenant, c'est ce qu'on t'a appris. Correspond avec les adillah, faniya ma faya. C'est une bonne chose. Et si ce n'est pas le cas, alors ta salat, corrige-la et fais-la selon la sunna. Yaqul, hadal hadith, ihtawa ala thalas jumal. Ce hadith se base sur trois phrases. Yaqul, awwaluha wa azamuha. La première qui est la plus importante. Qui est? Al-jumal oula, kouluhu, idhi hadrati salah, falwa'zin lakum ahadukum. Parce que la salat, le temps de la salat commence, que l'un d'entre vous fasse l'adhan. يقول مشروعية الأذان ووجوبه للأمر به وكونه بعد دخول الوقت ويستثنى من ذلك صلاة الفجر فإنه صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بالليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. Donc déjà cette partie du hadith nous démontre que l'adhan, l'appel à la prière, est obligatoire. Et cela, il ne peut être valide qu'une fois que le temps de la salat il est rentré. On ne fait pas l'azan avant le temps de la salat. Sans quoi l'azan il est bâtil. Sa condition c'est que cet azan soit accompli après l'entrée de l'heure. Il a dit exception faite pour le premier azan du Fajr. Le premier azan du Fajr. Car il dit que le Nabi Salam il a dit Bilal, lorsqu'il fait l'azan, il le fait alors qu'il fait encore nuit. Là il parle le Nabi Salam pendant Ramadan. Car à la base, il y a deux azan. L'azan pour al-fajr al-kazib ou l'azan al-fajr al-sadiq. Il y a deux azan. On fait le matin au fajr. Celui pour le fajr qui est faux et celui pour le fajr qui est le vrai. Le fajr faux, c'est juste, en fait, un tambih pour que les gens qui voudraient jeûner puissent manger avant la levée de l'aube ou pour ceux qui voudraient faire le witr, ainsi de suite. Mais ce temps-là n'est pas le temps de l'entrée de la salat. Alors que l'autre azan, qui est le vrai, lui, il indique que le temps de la salat, il est rentré, et à partir de là, le fajr peut être accompli. Jusqu'à le temps du shuruq, lever du soleil. Et ces deux azan, ou ces deux temps, comme on les définit, bon, en France, vous ne pourrez pas le voir. Le azan al-kazib, c'est une ligne blanche verticale, du haut vers le bas. Ceux qui ont une vision dégagée, qui se lèvent avant l'heure, peuvent le voir, lorsque le ciel est dégagé. Quant à l'azan du hasard du Fajr al-Sadiq, c'est une ligne qui est horizontale. Al-Khot al-Abiyad, min al-Khot al-Aswad, comme dans le Coran. C'est une ligne blanche que l'on voit horizontalement. Cette ligne blanche qui apparaît indique l'entrée du temps. Et de là, ce temps-là, c'est celui qui est celui de la salat du Fajr, concret. Et il dit que l'azan, c'est un fortifai. Et non pas aini. Le fortifai, c'est celui dont, lorsque certains s'en occupent de façon suffisante, il n'est plus obligatoire sur les autres. C'est-à-dire qu'en fait, l'azan, en chaque lieu où une salat de jama'a s'accomplit, un doit le faire. Ce n'est pas tout le monde qui doit le faire. Que si un le fait, s'en occupe, alors l'obligation a été accomplie. Et si personne ne le fait, alors tout le monde prend le péché. C'est ça un fortifai. Alors que le fard aini, c'est celui que c'est une obligation individuelle que chacun doit faire. Comme la salat, par exemple. La salat, c'est un fard aini, c'est une obligation qui est individuelle, chacun doit la faire. Mais la dhan, c'est une seule personne par rapport à un masjid ou par rapport à une jamara qui doit le faire. C'est tout, pour tout le monde. طيب. Il dit que le muazzin doit être une personne sayyatan, c'est-à-dire qu'il y a une voix qui porte. Aminan, il doit être fiable, de confiance. Aliman bil waqt, il doit être en mesure de connaître les horaires. C'est-à-dire lui-même, de sa propre vision, être en mesure de voir que le temps de la salat est rentré. Que ce soit le fajr, que ce soit le dhor, que ce soit l'asr, que ce soit le maghrib, que ce soit l'isha. Le muazzin, normalement, est une personne qui est en mesure de pouvoir distinguer l'entrée du temps et de là faire l'azan. Et il y fait attention, il est minutieux, car il a une grande responsabilité. Son erreur pourrait coûter la salade de tout le monde. Mais si jamais, par exemple, il y a des sources qui permettent d'indiquer aux gens l'heure fiable, alors le muazzin n'est pas obligé de regarder le soleil à chaque fois. Par exemple, comme on voit ici en France, l'usage de calendrier ou d'applications, si l'horaire il est fiable, alors le muazzin peut être dans son masjid et regarder l'heure, et de là il fait l'azan. Bon, maintenant, l'azan qu'on fait en France, c'est pas un azan qui est mashroua. Ça, c'est juste itakoula mastitartum. C'est craignez là comme vous le pouvez. Sans quoi, cette azan, en France, il sert à rien du tout. L'azan, à la base, c'est une annonce de l'entrée du temps. Celui qui est au masjid, qui fait l'azan, qui c'est qui l'entend? Personne ne l'entend à part ceux qui sont dit au masjid. Et eux, ils savent déjà que l'heure de la salat, elle est rentrée. Et quelqu'un qui est au travail, qui est chez lui, il sait pas que l'heure est rentrée s'il fait pas attention. Donc, l'azan, à la base, c'est censé t'avertir. Comme ça, comme t'as oublié, t'entends l'azan, hop, tu sais que c'est l'heure de la salat. Taïeb? Naam. Et d'ailleurs, c'est parmi les obligations qui doivent être accomplies, sans quoi sa non-mise en pratique est une cause qui rend obligatoire la hijra, comme l'a dit Cheikh Al-Othaymin. Un lieu dans lequel on ne te laisse pas faire l'azan, alors c'est un lieu que tu dois quitter. Rien que ça, aller tout seul suffit à faire la hijra. Pourquoi ? Cela implique que tu ne peux pratiquer ta religion librement. Le simple azan, qui est parmi les plus grands rites de l'islam, il a son importance. L'azan dans les rues, est entendu de voix haute, a plein de fawa'id. Il chasse les shayatines, il attire les anges, et autres. Et ça fait le rappel, car on entend deux shahada dedans, et ainsi de suite. Il y a le takbirat, la grandeur d'Allah Azzawajal qui est proclamée. Donc, interdire les gens de faire cela est une cause suffisante à pousser les muslimounes dans ces contrées à quitter ces lieux pour se rendre en un lieu où leur religion est applicable, librement. Et ce azan, comme le prouve le hadith, yu'azan fil hadar wa fil safar. Le azan, on le fait en toutes circonstances, qu'on soit résident ou qu'on soit voyageur. Lorsque l'on voyage ou qu'on est un groupe, et que l'heure de la salat y rentre, on fait l'azan. Même si on regroupe les deux salawat, on fait l'azan pour l'heure, pour l'entrée de l'heure. Yaqul wa liqama min tamam al-azan. Et il dit le fait de faire l'iqama. L'iqama, c'est une chose qui vient pour compléter cette azan. C'est l'iqama, c'est le petit appel que l'on fait juste avant la salat. Quand comme tu salat, quand comme tu salat. طيب. Ensuite, il dit الجملة الثانية قوله لأمكم أكبركم, que le plus grand d'entre vous dirige la salat, la préside. فيه وجوب صلاة الجماعة. Cette partie-là implique et indique l'obligation de faire salat en groupe. وأن أقلها إمام ومأموم. Et que le minimum, c'est qu'il y a un imam et une personne avec lui. Deux. Salat al-jama'a, le minimum, c'est deux. Taïeb, c'est deux personnes, au minimum. Et dans un autre hadith, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit que le plus grand d'entre vous dirige la salat, ça, ce n'est pas dans l'absolu, en fait. En réalité, si un plus jeune que lui, bah, il y a deux personnes qui sont là, ils vont faire la salat, ou plusieurs, et il y en a un qui est grand, qui est âgé, et l'autre qui est plus jeune, mais il connaît mieux le Coran, il est ahfaz, ou atkan, il récite mieux, alors ce sera celui-là qui sera devancé. Comme quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, يَوْمُّ أَلْكُمْ أَقْرَأُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَ سَوَاءَ فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُنَّةِ فَإِنْ كَانُوا فِي السُنَّةِ سَوَاءَ فأقدمهم حجرة أو إسلام. Il a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam que dirige la salat celui qui connaît le mieux ou qui lit le mieux le Coran. Ensuite, si les gens sont égaux dans cette lecture et dans sa mémorisation, alors celui qui a plus de science dans la sunna. Et s'ils sont égaux dans la science de la sunna, alors celui qui a fait la hijra en premier. Sinon, c'est des muhajiroun. Et si jamais ils sont égaux dans la hijra, celui qui s'est converti en premier, qui a entré en islam en premier, et ainsi de suite. Donc il y a toujours un fadl, toujours quelqu'un qui aura plus de mérite qu'un autre, qui sera plus en droit de diriger la salat. Et كذلك, quand il dit أعلمهم بالسنة, c'est-à-dire que le sunni salafi مقدم على غيره. Le sunni salafi est prioritaire sur la salat qu'un autre. Même si l'autre, il a plus de Coran que lui ou quoi. أجمع السلف على أن الصلاة خلف السنة أفضل. Que le salaf disait que la salat derrière le sunni est meilleure. Maintenant, derrière le mubtadi, elle est valable, elle est valide. Même derrière le fasiq. Mais derrière le sunni, elle est meilleure. Quitte à faire des fois des plus longs trajets, la salat, même si sa voix est moins belle ou quoi, si c'est un sunni, la salat derrière lui est meilleure. Et atam. Tayyib. طيب ثم يقول الجملة الثالثة troisième phrase du hadith وهي الأولى في هذا الحديث قوله صلوا كما رأيتموني أصلي. Et il s'agit de la première phrase du hadith, celle qu'il a dit au début l'auteur, qui est la plus importante. Faites la salat comme vous m'avez vu l'accomplir. وهذا تعليم منه صلى الله عليه وسلم بقولي والفعل كما فعل ذلك في الحج حيث يقوم بأداء المناسك ويقول للناس خذوا عني مناسككم. Donc là, il s'agit là d'un enseignement du Nabi sallallahu alayhi wa sallam par les actes et par la parole. Il te dit de faire salat comme lui et il te montre comment il l'a accompli. Comme pendant le hajj. Lorsqu'il a fait le hajj devant les gens, il a dit apprenez de moi vos rites. Comment faire le hajj? On l'apprend de lui. Toute chose de la religion est apprise de lui. كما قالت أو كما قالت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف من عمل عملا ليس لي أمرنا فهو رد. Celui qui fait un acte qui n'est pas de notre enseignement, il est rejeté. Donc tout ce qu'on apprend en religion doit être basé sur le Coran et la Sunna authentique et avec la compréhension des salafs. C'est obligatoire. Et celui qui n'est pas là-dessus, il va se perdre, il va s'égarer. Obligatoirement. Il y aura un khalal dans son manhaj, dans sa aqidah et dans son ta'aboud. Inévitable. Donc cette salat, elle doit être accomplie comme lui l'a accomplie. Et bifadlillahi ta'ala, la révélation, plutôt Allah Azza wa Jal, a préservé cette révélation qui jusqu'à notre époque nous est parvenue avec des hadiths authentiques, indiscutables, qui nous décrivent comment faire la salat du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr, quand on sait, il y a certains masels, il y a des khilaf, il y a des divergences sur certaines questions, mais qui, ces questions-là, ne nuisent en rien aux bases de la salat. De façon générale, les sunnis, les gens de la sunna, font une salat qui est à peu près similaire. À quelques points près, qui ne sont pas des choses qui la rendent invalide ou qui la rendent innovée ou autre. Ce sont juste des divergences de compréhension de certains textes. C'est tout. Mais de base, tout reviendra à un même point. Donc cette salat doit être accomplie comme lui l'a accomplie. Ce qui implique d'apprendre. Ce qui implique l'apprentissage. Et d'apprendre cela selon les sources fiables et auprès des gens de science fiables. Tout à fait. Non. Après l'auteur, il a parlé un peu plus de cette salat, comment elle est faite, mais laissa huna min maqsad hadha ash-sharh. Non. Tayyib. Donc on va s'arrêter là. Samedi prochain, je ne sais pas s'il y aura ders. Allahu ta'ala alam. S'il y a, je l'annonce. Et s'il n'y a pas d'annonce, c'est que vous aurez compris déjà à l'avance ce qu'il en est. Fa naktafi bi hadha al-qadr wa subhanaka wa bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.